cœur. Nom masculin. Anatomie. Organes musculaires, creux et pulsatiles, assurant la circulation sanguine dans le corps humain ou animal. En particulier, organes considérés comme susceptibles de mouvements causés par les patients. Ouvrage. Nom masculin. Action de mettre quelque chose en œuvre, de travailler. Objet résultant d'un travail, plus précisément du travail d'un ouvrier, d'un artisan ou encore d'un artiste. Vous écoutez Le Cœur à l'ouvrage. Chaque mois, je recevrai un ou une invitée que je laisserai s'exprimer autour de cette question. Qu'est-ce qui lui donne du cœur à l'ouvrage? Je ne me restreindrai pas à un type de profession ou de passion. La seule chose qui m'intéresse, c'est de donner le temps à mes invités de s'exprimer autour de ce qui leur tient vraiment à cœur. Mon désir, c'est d'explorer les facettes de nos passions, car elles présentent deux caractéristiques qui m'intéressent particulièrement. Elles sont stimulantes et communicatives. Ma seconde invitée s'appelle Sophie Beau. Elle est illustratrice et graphiste et travaille dans l'atelier-galerie Cœur d'Artichaut à Bordeaux. Elle m'a accueillie chez elle et nous avons parlé de bulles hors du temps, de conscience écologique, de petites fourmis et de transcendance, tandis que sous nos yeux s'amusaient les pigeons sur les toits bordelais. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Quelles sont les études que tu as faites, ta formation, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors j'ai commencé par une première année aux Beaux-Arts de Bordeaux. J'ai choisi de partir de chez mes parents et sauter dans le grand bain, découvrir Bordeaux. J'ai commencé par une première année où ça a été un peu compliqué, où finalement ça a été assez vague, où j'ai rencontré des gens et finalement j'étais assez perdue. J'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont donné envie d'aller plus vers de l'art appliqué, où j'ai décidé d'apprendre un métier. Parce que finalement, les Beaux-Arts, je me suis vite rendu compte que c'était très abstrait et que j'avais envie de gagner ma vie, et notamment gagner ma vie avec ce que j'aimais faire. Du coup, je suis partie en BTS communication visuelle, où j'ai appris à faire du graphisme, tout ce qui est création, logo, d'affiches, tout ce qu'on peut connaître en termes de presse écrite et impression. Et ensuite, je me suis rendu compte que pour vraiment réussir à trouver un travail, en fait, le graphisme était un peu en retard et que on avait le digital et que c'était l'avenir et que si je voulais être une graphiste employable, eh bien, il fallait que je me spécialise aussi dans le digital. Donc, j'ai une licence en création de site internet et intégration aussi. Donc voilà, et suite à ces études-là, j'ai réussi à trouver un poste en sortant de mes études dans une agence de communication sur Bordeaux où j'ai grandi en même temps que cette entreprise où je suis arrivée, c'était 2 personnes et puis finalement, quand j'en suis partie 4 ans plus tard, il y en avait 7 personnes, voilà. Donc c'est ce parcours-là qui m'a permis d'être actuellement graphiste indépendante et maintenant d'avoir un peu plus de liberté pour faire de l'illustration, de la peinture. Et ce qui m'a permis aussi d'arriver là où j'en suis, c'est la rencontre avec mon compagnon qui a aussi libéré pas mal de choses et qui m'a permis de me libérer sur certaines envies artistiques et notamment sur de la peinture, de l'illustration. Et d'être à mon compte. Au début, du coup, tu as dit de pouvoir gagner ta vie en faisant ce que tu aimais faire. Ce que tu aimes faire, toi, du coup, c'est quoi? C'est dessiner. Quand j'étais petite, tout le monde me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et je disais dessinatrice. Et du coup, le dessin, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Après, en grandissant, je me suis quand même vite rendu compte que faire du dessin, ça payait pas. Et qu'il fallait trouver quand même une version économique et moderne, on va dire, que je connaissais pas quand j'étais petite, par rapport à ce mot-là de dessinatrice. Et du coup, effectivement, dessiner, c'est quelque chose qui me passionne. Qu'est-ce que tu aimes dans le dessin ? C'est d'être hors du temps, je pense. D'avoir cette sensation de dessiner. Alors, je dessine souvent ce que je vois ou ce que je peux imaginer de ce que je vois. Et c'est assez intéressant de se dire qu'on projette son monde et on projette ce qu'on a dans la tête sur du papier. Et ça nous isole du monde, en fait. Enfin, il y a une espèce de bulle qui se crée, comme on peut avoir quand on lit, par exemple, où il y a cette espèce de... Je sais pas comment on peut dire, de brouillard qui se met autour de soi, où on est focalisé sur quelque chose et puis on peut lever la tête et puis en fait il s'est passé 3 heures depuis qu'on a commencé à dessiner. Donc c'est vraiment la sensation, enfin c'est ce que tu vis quand tu dessines qui t'attire le plus dans le dessin. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est ce qui donne envie de recommencer. Ce qui donne envie, et puis, alors après c'est assez personnel, mais c'est vrai que je le retrouve dans la musique, je le retrouve dans le dessin, je le retrouve dans la lecture, où il y a cette sensation de laisser partir son âme dans ce qu'on fait, de lâcher prise en fait, qui est assez intéressante. Comment tu dirais que ta pratique du dessin elle a évolué ces dernières années avec la confrontation au monde professionnel aussi ? Elle est difficile parce que finalement, on se retrouve confronté à la technique, à cette envie aussi de réussir, à cette envie qu'on nous regarde, qu'on n'a pas quand on est enfant, où on fait si remarque parce qu'on veut que ses parents soient heureux, soient contents, on trouve ce qu'on fait chouette. Mais finalement, en étant adulte, le chouette, souvent, il n'est pas suffisant. Et se dire que finalement, y a quand même plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est une des choses les plus compliquées, je trouve, dans ce domaine-là. Où c'est dur d'essayer de faire les choses pour soi en faisant abstraction de ce qui se passe autour. Et je pense que du coup, je suis entre cette volonté de lâcher prise et cette confrontation à la technique, à la volonté de reconnaissance, qui est difficile de par, je dirais, par les professionnels, mais aussi par son entourage. Ma famille a toujours été présente, a toujours reconnu ce que j'ai fait, tout ça. Mais c'est vrai que l'entourage quotidien, que ce soit des proches ou d'autres personnes qu'on peut rencontrer dans notre vie, est plus compliqué, je trouve. C'est-à-dire de mettre en avant ce que tu fais, de l'affirmer, qu'est-ce qui est difficile ? C'est pas forcément de l'affirmer, c'est certainement un manque de reconnaissance. Mais d'essayer de passer du stade de « Ah oui, t'as un bon coup de crayon » à « Oui, elle fait ça, c'est son métier » ou « Ah oui, elle est faite pour ça ». C'est ce changement d'étape-là qui est difficile et je pense qui est ressenti par plein de gens qui font ce métier-là, où on dit « Ben oui, notre métier, c'est pas du coloriage en fait ». Ben, ça demande du travail, ça demande des années de préparation, ça demande du temps. Et ce temps-là, on a le droit aussi de gagner autant notre vie que quelqu'un qui va fabriquer du pain, faire de l'électricité, faire de la plomberie aussi. On est des gens qui donnent du sens autrement, mais en tout cas, ça mérite d'être mis en valeur et d'être honoré comme un autre métier. Et tu parlais de faire du sens. Qu'est-ce qui donne du sens pour toi, du coup à ton métier, à ce que tu fais ? Ah, grande question. J'ai pas encore répondu. c'est un cheminement de tous les jours qui dit comment est-ce qu'on peut amener du sens. Moi, je le vois surtout en ce moment par rapport au domaine écologique, où dans le domaine de la communication, on est quand même très papier, on fait beaucoup de gaspillage, ça amène quand même beaucoup de pollution. En termes de digital, on ne s'en rend pas encore compte, mais ça puise énormément d'énergie. Communiquer coûte cher et coûte beaucoup à la planète. Et du coup, savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette énergie-là soit positive et que ça donne un sens pour tout le monde, ça, c'est ma grande question. Savoir comment, avec les qualités que j'ai, je peux renverser cette idée que on ne peut pas que gaspiller, on ne peut pas que faire de la pollution, de la pollution visuelle aussi. Essayer de se dire, trouver un sens à comment un métier qui ne fabrique finalement pas de choses peut donner un sens et changer l'état d'esprit des gens, peut-être. Je pense que c'est plus ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui, dans ce que tu fais, te donne un sentiment de satisfaction, où tu te sens récompensé pour ton travail ? Quand j'ai lancé une idée et qu'à la fin, en fait, ça ressemble vraiment à ce que j'avais envie. Okay. Et c'est valable que ça soit en graphisme ou que ça soit en illustration, par exemple. Mm-hmm. Je suis en train de travailler sur des illustrations de cuisine. Et du coup, on m'a un peu laissé carte blanche parce que visiblement, il fallait changer d'alternative et fallait donner envie de manger avec des illustrations. Et qui est assez compliqué puisqu'on est quand même sur un métier de photo et de visuel très parlant. Le challenge était de transmettre l'envie de manger quelque chose qui était difficile à visualiser. Sur les deux premières illustrations que j'ai lancées, à la fin, je me suis dit « Ah, c'est chouette, ça, ça pétille comme je voulais que ça donne envie. Et finalement, le client a adoré et j'ai même pas eu de retouches à faire. Donc à voir si le public sera intéressé, parce que c'est pas encore lancé. Mais ça, c'est agréable. Quand l'idée de A à Z, même si on a pu y apporter certaines modifications, à la fin, garde son identité. L'idée de base est prise et comprise. Ça, c'est chouette. Tu parlais là de retour client, etc. Et ça me fait penser à... Parce qu'au début, tu parlais de cette bulle dans laquelle ça te met de dessiner. Comment tu gères le lien, enfin le rapport qu'il y a, le mouvement qui se passe entre à la fois le côté très individuel de l'aspect créatif, très seul, très isolé, et l'aspect relationnel avec des clients, avec des publics potentiels. Alors avec des clients, c'est très compliqué. Vraiment, parce qu'il y a un côté qui parfois n'est pas du tout bienveillant et qui vient fracasser une idée ou fracasser entre guillemets le rêve qu'on s'était fait du projet, quoi. Et on descend d'un espèce de nuage et on tombe de haut. Et souvent, c'est quand même beaucoup dans la frustration et beaucoup dans, je dirais, dans l'échec de l'idée créative. Donc ça, c'est très compliqué et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à gérer. Le regard critique d'un client par rapport à quelqu'un, enfin quelqu'un qui ne connaît pas le travail et qui se permet de remarquer des choses qui en fait ne relèvent pas de son niveau entre guillemets. Des remarques constructives, c'est toujours utile, c'est toujours agréable d'avoir un regard extérieur sur son travail, mais quand il est fait dans la bienveillance, c'est toujours c'est difficile à entendre souvent, mais c'est toujours pour aller vers de l'avant. Mais sur de la clientèle, c'est très compliqué. Après, sur l'illustration et la peinture, c'est toujours chouette parce que du coup, ça nous donne un regard plus neuf et ça permet de mettre un pas en arrière et de regarder plus dans la globalité. Et finalement, de sortir un petit peu de cette bulle, mais parfois, ça fait du bien. Et puisque du coup, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais exposé des œuvres que j'ai vues. Et comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu, toi, du coup, ce retour des gens qui viennent voir ton travail? Ça s'est bien passé et c'était assez étrange parce que du coup, comme c'était une première, je savais pas à quoi m'attendre. Ouais. On s'imagine toujours dans les films où il y a des vernissages, il y a beaucoup de gens, soit c'est fabuleux, soit c'est un échec retentissant. Et en fait, ce qui est étrange, c'est cet entre-deux. On se dit, en fait, c'est chouette parce que j'ai plein de gens que je connais qui sont déplacés pour voir mon travail, qui avaient parfois jamais vu ce que je faisais, malgré tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il peut y avoir. En fait, des personnes qui ne savaient même pas quel était mon univers. Donc ça, c'est assez chouette. C'est même des personnes très proches qui m'ont dit, mais je savais pas que tu faisais de la peinture. Alors, effectivement... Ça fait quelques années quand même que je peins, mais je monte pas forcément. Du coup, ça, c'est très intéressant sur cet échange-là. Après, sur le côté professionnel, on n'y est pas encore. la vente, on n'y est pas encore, c'est pas grave. Mais c'était assez chouette. Ça donne envie. En fait, le fait d'avoir préparé pendant un mois et demi cette expo, j'ai fait que ça pendant un mois et demi, ce qui est quand même assez rare. J'ai peint matin, midi, soir, nuit... Parfois. Et c'est chouette, c'est toujours agréable de poser enfin les tableaux et se dire « Ah, ça y est, c'est en place. » T'as parlé de ton univers, comment tu décrirais ton univers artistique, du coup? Pour l'instant, je dirais plutôt très coloré et fleuri. Après, j'en suis qu'au début, mais il y a vraiment une constante, c'est que j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le travail de combinaison des couleurs. Je pense que ça fait partie de mon travail et que ça restera un moment. Même si je peux avoir des œuvres où je travaille que du noir et du fluo, par exemple. Mais vraiment, les choses qui sont importantes pour moi, je pense à la couleur. J'avais une chose qui était assez rigolote. Quand j'étais petite, un jour, j'étais très triste. Et mon père, il vient me voir, il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « Ah, je comprends pas. Je suis très triste. » Je suis pas bien. Et pourtant, regarde, je peins des choses très colorées. Je comprends pas. Je comprends pas. Plus je suis triste, plus je peins des choses colorées. Et mon père, il me dit, mais tu sais, c'est pas grave, justement, c'est bien. Ça veut dire que tu es capable de transformer une tristesse en quelque chose de beau. Et il me dit, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu le gardes. C'est quelque chose de très important. Et il faut que tu le gardes dans ta tête. Et du coup, c'est vrai que cette phrase-là m'est restée quand même... me dire qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, mais c'est vrai que quand on a un côté artistique, c'est quand même chouette. c'est une belle chose et que quand on a des moments effectivement de difficulté, c'est une belle façon de transformer. Je trouve ça chouette comme mot, transformer cette énergie négative en quelque chose de beau. Puisqu'on parle de beauté, qu'est-ce qui t'émeut dans le monde qui nous entoure, dans l'art, voilà, qu'est-ce que c'est pour toi la beauté ? J'aime beaucoup me retrouver dans des grands espaces, dans la nature, avec le vent, avec les éléments. Et parfois, c'est juste un moment de passage et on se sent bien. Et se dire que parfois, juste une nuit étoilée avec la mer ou le rivage, juste cette scène-là, je trouve ça beau. Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui t'émeut le plus dans l'art ? Alors, je sais pas, en termes d'émotion, après, je sais que j'adore regarder la technique. J'ai une espèce de passion, je ne sais pas pourquoi, mais quand on va avoir des expos, souvent je regarde les détails, comment ça a été encadré, quelle partie a été vernie, est-ce qu'il y a quoi comme technique, est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est de la craie. Et je pense que c'est aussi essayer de se mettre dans la tête de la personne qui l'a fait et essayer de comprendre pourquoi la personne a utilisé tel ou tel outil, pourquoi, comment. Et essayer de comprendre, parce que finalement, quand on se dit les artistes de l'art, les tableaux, tout ça, c'est chouette, mais en fait, c'est aussi bien de partager ce que les gens ont vécu à ce moment-là. J'aime bien me dire qu'il y a une histoire derrière chaque tableau. À chaque moment, à chaque coup de pinceau ou réflexion, les gens vont avoir vécu quelque chose à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant de se dire ça. Parce que c'est ce que je fais. C'est que je regarde, par exemple, c'est rigolo parce que je regarde des séries, des films, tout ça. Et ce qui a beaucoup étonné mon chéri ou mes parents, c'est que j'étais capable d'écouter ou de voir des films en même temps que je dessinais ou que je peignais ou que j'étais en train de faire des croquis ou de travailler même. J'aime bien cette idée-là parce que en fait, ça crée des histoires et des atmosphères aussi. Et ça pourrait faire la même chose avec la radio. La musique me touche un tout petit peu moins, c'est pour ça que j'aime bien les histoires, les contes. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, quand je revois certains de mes tableaux, je revois ce moment-là, ou cette histoire-là, ou cette atmosphère-là. Et du coup, je me dis que les tableaux que je vois, les personnes ont vécu d'autres choses à d'autres moments de l'histoire. Et que finalement, ce moment-là, il est capturé dans cette toile. Et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas pourquoi ça s'est orienté plus comme ça, mais finalement, c'est peut-être ce qu'ils ont vécu sur le moment qui ont créé cette atmosphère-là sur ce tableau. Qu'est-ce qui t'inspire pour peindre, pour dessiner ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Récemment, ça a été plus les fleurs, la nature. Quand je me déplace, généralement, je prends des photos. Du coup, je m'amuse à avoir cette espèce d'herbier photographique avec plein de choses que j'ai pu voir. Après, ça peut être des moments cocasses. J'ai eu une période où je m'amusais à prendre en photo les pigeons parce que je trouvais ça assez drôle, même si je trouve ça très moche et assez bête. Cette espèce de petit animal un peu fui par tout le monde, et ben on se retrouve avec des situations assez rigolotes un peu partout dans la ville. Donc c'était assez rigolo de les suivre en fait. Et après j'ai des artistes que j'aime beaucoup et du coup que je suis régulièrement et qui me permettent de prendre d'autres routes où j'aurais pas osé m'engager, finalement, je me dis pourquoi pas. Tu l'as dit au début, t'es graphiste indépendante maintenant. Ouais. C'est un secret pour personne que c'est difficile. Le contexte fait que d'être indépendant aujourd'hui, quel que soit le métier d'ailleurs, c'est un pari audacieux. Qu'est-ce qui fait que tu persévères sur cette voie-là alors qu'elle est risquée et qu'elle n'est pas forcément confortable ? Alors, sur le côté indépendant, je sais pas si je persévérerai, mais effectivement, c'est assez chouette. Après, je ferai le parallèle par rapport à la voie que j'ai choisie. Mmh. On m'a toujours dit, tu vas voir, c'est compliqué, y a pas de travail. Les gens, ils trouvent pas de travail. Et tu vas galérer. Bon, bah voilà. C'était dit. C'était fait. On m'a toujours dit... j'avais des bonnes notes en sciences, donc j'aurais pu très bien faire quelque chose de très scientifique, faire de la physique, de la chimie. Mais j'ai toujours dit, bah oui, mais non, c'est le dessin, c'est l'art. On m'a dit, mais c'est bête, franchement, n'importe quoi. Et puis, bah, j'ai dit, bah non, c'est ce que je veux faire. Donc, du coup, voilà. C'est ce qui s'est posé pendant mes études. Oui, mais c'est ce que je veux faire. Donc, ben, je vais y mettre toutes les chances de mon côté. Je vais travailler pour arriver où je veux. Et puis on verra bien. Finalement, ben, j'ai travaillé. Et puis, j'ai trouvé du travail. Et en tant qu'indépendant, c'est vrai que ben, je travaille, mais ça donne pas toujours la même chose. Donc, oui, je pense que c'est plus une... faut avoir une rage de vivre et une rage de tout, en fait. On peut être découragé, toutes les 10 minutes, on est découragé. En France, c'est une catastrophe. Être indépendant, c'est limite, c'est de l'insolence. On me dit, mais limite, on vous jette dehors en me disant, mais pourquoi tu reviens ? Ne reviens pas. L'administration te dit, mais va-t'en. Et donc voilà, donc en fait c'est se battre tous les jours. Alors il y a des fois c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Ma première année s'est très très bien passée. Je croulais sous le travail et sous les demandes quand je suis rentrée de l'étranger. Donc finalement pendant un an j'ai travaillé comme une acharnée. Voilà, après on n'a pas trop de vie derrière, c'est ça qui est compliqué. On nous dit qu'il faut gérer sa vie privée et le travail et que c'est d'autant plus compliqué quand on est indépendant. Et puis est arrivée la deuxième année où là j'ai fait des choix, où j'ai dit non à certaines personnes pour me dire que ben, je devais avoir une vie privée et je devais pouvoir commencer à choisir mes activités, mais finalement ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Après, je pense que la vie est faite de hauts et de bas et que des fois, il y a des hauts qui sont un peu plus bas que d'autres et des fois, des bas un peu plus hauts que d'autres. Je me dis qu'on peut réussir à trouver un équilibre. Je ne sais pas si mon équilibre, je le trouverai en tant qu'indépendante ou salariée et avec une activité en parallèle, mais je me dis que pour l'instant, je tente l'histoire et puis on verra bien. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te donne de la force du coup pour te battre, justement? Mais en ce moment, c'est mon conjoint. Parce que c'est vrai que c'est toute seule, je pense que ce serait vraiment très compliqué pour moi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont indépendants et seuls, mais s'il y en a, ils ont beaucoup de courage. Parce que je pense que c'est quelque chose de compliqué à vivre seul. Moi, j'ai la chance qu'on soit deux et qu'on soit deux indépendants, avec mon conjoint qui a un petit peu d'avance sur moi en termes d'indépendance et qui, toutes les galères que je connais, les a connues, essaye au jour le jour... de me soutenir et de me dire bah non, demain ça ira mieux, il faut aller de l'avant, se lever tôt le matin et regarder sa journée sans forcément papillonner à droite à gauche. Donc ça, c'est une grande force que j'ai. Du coup, pour revenir un peu sur le statut d'indépendant et puis surtout dans le milieu du dessin et du graphisme, mais pas que, enfin dans les milieux artistiques, souvent on met en avant que c'est des métiers de passionnés. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Et est-ce que tu penses que cette passion est suffisante pour faire le métier? Alors, en termes de passion, j'espère que tous les gens qui font ce métier sont passionnés, ou l'ont été au moins, parce qu'on peut avoir une baisse de régime à un moment ou à un autre. Après, je pense que ça ne suffit pas. Moi, dans ma tête et dans ma vie, on m'a toujours dit le travail paye. Et en fait, je trouve que... En tout cas, la vie serait injuste s'il n'y avait que ça. La passion, c'est bien, mais je pense que derrière la passion, il faut qu'il y ait une ardente envie d'avancer et de travailler sur cette passion. C'est comme tout, c'est que c'est pas inné. Si, ça peut l'être, mais je pense que derrière, il y a quand même... il faut avancer. On peut pas être oisif et se dire « Oh, tadadou, je vais mettre un coup de peinture à gauche, un coup de peinture à droite... » Un petit coup de souris à droite, et puis le client sera content. Il y a certainement des gens qui fonctionnent comme ça. Je pense pas que ça soit... comment dire, je ne pense pas qu'en termes de durée, ça soit viable. Mmh. Ou en tout cas, suffisamment nourrissant. Mmh. À mon avis, c'est comme dans tout. Il faut nourrir sa passion, nourrir ses envies, et ça ne vit pas tout seul. Oui. Parce que t'as parlé de d'inné dans la pratique. Est-ce que tu penses vraiment que le métier artistique est entre guillemets réservé à un certain type de personne? Est-ce qu'il faut être artiste de base? J'espère pas, parce que j'ai pas l'impression d'en être une. Après, je sais que malheureusement, on est quand même déterminé par notre éducation. On est déterminé par plein de choses qui se sont passées quand on était jeune, qui nous ont construit aussi. J'ai l'impression d'avoir ça depuis petite, finalement, d'avoir cette envie de faire de l'artistique, mais aussi parce que j'ai été poussée dans ce domaine-là par mes parents, qui ont toujours été présents et qui m'ont toujours aidée à aller prendre des cours de dessin si j'en avais envie, des cours de poterie si j'en avais envie, faire de la broderie, faire de la calligraphie. C'est des choses que j'ai appris petite, et avoir l'envie de créer, c'est quelque chose qui est finalement inné dans ma famille, mais qui s'est transmise. Je pense, construit autour de cet univers et construit autour de l'idée que je pouvais être créative et en faire mon métier. Je suis pas sûre que ça soit inné. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure, et que après on a l'envie ou la capacité de développer ça, où on l'a pas et finalement on se tourne vers d'autres choses. Et question incontournable, qu'est-ce qui te donne du cœur à l'ouvrage ? Du bois dans le feu, quoi. Oui, effectivement, avancer tous les jours, c'est avec l'envie de créer, l'envie de faire évoluer des choses, transformer des choses. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mmh. Fabriquer aussi. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'appelait ma petite fourmi bricoleuse. Et je trouve que c'est quelque chose qui me correspond très bien, et même adulte, dans cette idée que ben, j'aime transformer les choses, j'aime transformer effectivement une énergie parfois négative en quelque chose de positif. Donc je pense que cette idée de transformation me plaît beaucoup dans la création. Ouais. Dans tes ambitions sur les années à venir, du coup, au mieux du mieux, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir accomplir dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir transformer ? Eh bien, ça serait de pouvoir essayer de vivre de ce travail artistique, de vivre de l'illustration, de la peinture, pouvoir partager à deux, peut-être à plus, cette envie-là, et essayer de, je sais pas, créer un lieu autour de ça. Voilà, des projets à venir. J'ai une dernière question. Bon, déjà, je mettrai les liens vers les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut voir ton travail, etc. En espérant que cet entretien aura donné envie aux gens de découvrir un petit peu ton travail. La question que je veux te poser, c'est est-ce que toi, tu aurais des recommandations d'artistes à aller voir, à aller écouter, qui te touchent particulièrement, qui font partie de ton univers et que tu as envie de partager ? Eh bien, en ce moment, il y a une exposition qui est en train de se monter, et dont le vernissage est ce soir. Il y aura notamment Coralie, qui sera dans cette exposition collective qui s'appelle Kaléidoscope, à l'Institut Bernard Magret à Bordeaux. Et ces artistes, il y a plusieurs artistes féminines, mais notamment effectivement Coralie, qui fait partie des personnes que j'ai vu évoluer depuis que je suis en études. Donc ça fait une dizaine d'années que je la suis, avec son compagnon aussi, qui sont un couple artistique, et où vraiment je me retrouve dans ce travail et dans cette évolution qu'elle a pu avoir professionnelle, et je suppose personnelle. Donc c'est vraiment une artiste que j'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Le cœur à l'ouvrage. Vous retrouverez toutes les informations concernant mon invité et ses recommandations sur notre page Facebook et notre compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines publications.